Science Chrono, Antoine Beauchamp. En août 1951, l'une des plus importantes controverses de l'histoire des neurosciences prenait fin concernant la communication neuronale. Après avoir ardemment défendu la théorie d'une communication électrique, le neurophysiologiste australien John Eccles finissait contre toute attente par valider la théorie adverse et admettre l'idée d'une communication par voie chimique. Science Chrono revient aujourd'hui sur ce revirement spectaculaire dû à un renouveau technique et philosophique, mais aussi et surtout à une solide dose d'honnêteté intellectuelle. Bonjour Sébastien Boller. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, rédacteur en chef de la revue Cerveau et Psycho. Mille merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce coup de théâtre historique dans la fabrique des neurosciences. On parle de débat du siècle presque dans l'histoire des neurosciences. On va en détailler les raisons précises, mais avant cela, je vous propose d'entendre la voix de celui par qui ce coup de théâtre arriva, John Eccles, neurophysiologiste australien. Il était interviewé en 1972 par le service recherche de l'ORTF dans le cadre de la série d'émissions Un certain regard, et celle-ci s'intitulait tout simplement Le cerveau. En ce qui concerne la structure du cerveau, la plupart des connexions principales sont à présent assez bien connues, quoiqu'il soit étonnant de constater que l'on puisse tout à coup en découvrir de nouvelles. Il y a 4 semaines à peine, nous avons découvert des conduits importants que l'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent en matière de contrôle du mouvement. Nous devons admettre qu'il reste beaucoup à faire, même à ce niveau. Au point de vue microscopique, de grands progrès ont été accomplis avec le microscope électronique. Nous commençons à comprendre la nature des cellules et des synapses et toutes ces choses-là. La grande lacune, c'est que nous ne savons pas du tout quelles sont les structures relatives à la mémoire. Cela reste à découvrir. En ce qui concerne le fonctionnement du système nerveux, là, nous sommes encore plus loin de pouvoir le comprendre. Nous avons reconstitué des parties séparées, comme lorsqu'on fait un puzzle, ou qu'on assemble un petit morceau, puis un autre petit morceau. Mais quant au tout, même dans le cervelet sur lequel je travaille, je pense que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce que nous étudions essentiellement, c'est le langage du système nerveux, parce que nous croyons que toutes les communications se font par le déclenchement d'impulsions qui voyagent le long des fibres nerveuses, le long des conduits jusqu'à des cellules particulières à l'autre bout qu'elles activent ou inhibent à leur tour. Une cellule dit donc uniquement quelque chose qui va quelque part dans le système nerveux. Elle envoie des messages, comme ceci. C'est le langage d'une cellule. Voilà la voix de John Eccles, ouais. Sébastien Boller. Alors c'est intéressant à la fois parce que cette archive ne parle pas du tout de ce qui va nous concerner aujourd'hui, mais juste d'entendre la voix de ce chercheur installé en 1972, c'est un chercheur accompli qui n'a plus à faire ses preuves et qui continue de travailler sur la compréhension et du cerveau et de ses mécanismes. Si on doit resituer John Eccles dans les années 20, 30, 40. Voilà, qui était-il et quelle a été sa formation qui l'a conduit à être ce neuroscientifique qui a marqué l'histoire des neurosciences? Oui, lui, il est né au tournant du siècle, hein, un Australien, né à Melbourne. Il part faire sa thèse chez Alan Sherrington, le grand neurophysiologiste britannique qui est l'inventeur du terme synapse, en fait, qui a été le premier à démontrer que des neurones dans la moelle épinière étaient connectés les uns aux autres d'une façon ou d'une autre afin de provoquer des réflexes coordonnés, la contraction de certains muscles, le relâchement d'autres. Sherrington a été vraiment extrêmement novateur pour implanter l'idée que les neurones communiquent. Parce que Carrel avait découvert les neurones, voilà. Puis il y avait la controverse entre Carrel et Golgi. Carrel disait non, c'est les neurones, ils sont individuels, alors que Golgi disait c'est un système complètement unifié. Et Sherrington, lui, dit non, il y a des connexions entre les neurones qui s'appellent des synapses. Et comment elles fonctionnent, ça va être la grande question. Et juste par rapport à cet extrait, je le trouve assez fascinant quand même, parce que c'est vrai qu'on est après l'épisode qui nous intéresse, mais Eccles, il dit, on sait pas encore comment fonctionne la mémoire, et c'est vrai qu'après on va inventer l'IRM, on va rapprocher les neurosciences fondamentales de la psychologie clinique, on va comprendre qu'il y a des zones de la mémoire. Il dit le cervelet, il travaille sur le cervelet. Et jusqu'à très récemment, on pensait que le cervelet servait pratiquement à rien, à part maintenir un peu l'équilibre. Et depuis très récemment, on sait qu'il gère aussi les émotions, des choses comme ça. Donc, quand on entend ça, on voit la profondeur et le trait d'union entre ce qui a été fait au niveau cellulaire et ce qui se passe aujourd'hui en psychologie. C'est ça qui est fascinant dans l'histoire des neurosciences, c'est qu'on a tendance à oublier que jusqu'au début du XXe siècle, le cerveau était une terra largement incognita. Et en un siècle, on a fait des progrès immenses. Là, on voit en 1972 qu'il y a plein de choses qui ont été découvertes depuis. Si on revient à ce débat qui va occuper la première moitié du XXe siècle concernant la communication neuronale. Est-ce qu'il s'agit d'une communication électrique ou chimique? Vous exposiez tout à l'heure le fait que, voilà, on avait décrit le fait que les neurones étaient des neurones individuels, que ça posait la question délicate de la communication interneuronale. Sherrington pose, lui, la notion de synapse, donc cet espace intermédiaire, cet espace de communication entre les neurones. Pourquoi est-ce que c'est compliqué et ça pose débat de savoir si cette communication s'effectue par voie électrique ou par voie chimique et quels sont les arguments avancés de part et d'autre? Alors, l'hypothèse de la transmission purement électrique, elle vient du fait que depuis quelques années, on sait que les neurones, effectivement, véhiculent une information électrique. Et donc, spontanément, on se dit, ils vont communiquer en s'envoyant des signaux électriques. Il y a néanmoins quand même une hypothèse chimique qui est proposée notamment par Henry Dale, qui aura le prix Nobel, en fait, pour la découverte du rôle de l'acétylcholine dans la transmission de l'influx nerveux dans le système parasympathique, je crois. Et donc, ces deux théories sont concurrentes. Et John Eccles, lui, il vient de chez Sherrington. Sherrington, lui, est ce qu'on appelle un dualiste, c'est-à-dire qu'il pense que l'esprit et le cerveau, c'est deux choses totalement différentes. Et que la pensée est immatérielle. Et Eccles, en bon élève de Sherrington, est absolument convaincu exactement de la même chose, qui se dit, qu'est-ce qui est immatériel? La chimie, c'est des molécules, ça peut pas être du domaine de la pensée totalement désincarnée, alors que l'électricité, ça, c'est quelque chose qui est à la fois totalement impalpable et totalement instantané. Et il dira que, l'influx nerveux peut pas se transmettre par des synapses chimiques parce que la pensée est instantanée. Mmh. Alors que, les molécules, elles mettent du temps à voyager. En fait, c'est pas vrai, parce que la pensée, on sait aujourd'hui qu'elle n'est pas du tout instantanée. Le rythme de la pensée, en psychologie expérimentale, on voit qu'on peut pas penser une chose à une, et de passer d'un concept à un autre en moins de quelques secondes, en fait. Et à l'inverse, la thermodynamique des molécules montre que la diffusion des molécules dans les synapses, aujourd'hui, on le sait, ça se fait en quelques dizaines de millisecondes. Mais il y avait cette idée que ça doit être instantané, ça doit être immatériel, donc ça doit être électrique. Et il va consacrer des années à étudier la transmission de l'information dans des neurones de la moelle épinière, en essayant de démontrer que c'est électrique. Et alors aujourd'hui, on sait qu'il y a des synapses électriques, qu'on appelle les gap junctions, des ponts électriques qui permettent de transmettre l'information de manière totalement instantanée d'un neurone à l'autre. C'est des points de connexion entre neurones où ils sont carrément jointifs, donc il n'y a pas du tout d'espace entre les deux neurones, mais ces synapses restent quand même beaucoup moins importantes en nombre que les synapses chimiques. Ce qu'il faut dire, Sébastien Boller, c'est que John Eccles, lui, donc, il s'attache à défendre et à prouver cette communication électrique entre neurones. À cette époque, il y a une concurrence intense entre le monde, le vieux monde britannique et le monde américain pour prouver de façon expérimentale cette communication électrique. Et il faut bien le dire, les expériences avec les moyens technologiques dont on dispose alors tendent à dire que cette communication est électrique. Ils sont pas malhonnêtes intellectuellement, ils ont juste le fruit d'expériences sous les yeux et ils disent, a priori, c'est quand même plutôt majoritairement une communication électrique. Oui, alors effectivement, il va publier, notamment Eccles va publier, je crois, 17 articles importants vraiment en une vingtaine d'années sur cette question-là, avec des éléments assez probants, mais qui, d'une part, il n'avait pas énormément d'opposants à cette époque-là sur le plan de la modélisation mathématique de la transmission de l'influx nerveux. C'était un très bon mathématicien. Mm-hmm. Et donc, il n'avait pas forcément en face du répondant avec des personnes qui pouvaient lui dire non, ce que vous dites, ça fonctionne pas. Et puis, on a critiqué le fait que sa théorie donnait pas prise suffisamment à des expériences clés pour réfuter éventuellement ou confirmer ce qu'il avançait. Donc, de par son aura et de par son talent mathématique, il a fait comme ça, il a imposé en fait cette vision électrique pendant un certain temps. Ouais, et puis ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire. On le lit pas mal quand on parle de John Eccles, c'était un personnage charismatique, avec un grand pouvoir de conviction, ouais. et qui ne s'en laissait pas trop compter, mais qui en même temps était toujours à l'écoute de ses adversaires. Donc ça, c'est quelque chose qui aura son importance, c'est que lui-même se soumettait à la controverse, se soumettait à des avis différents, parce qu'il était persuadé, malgré tout, de détenir la vérité. Dans son parcours, donc, Eccles, il est au contact de ce grand neurophysiologiste Sherrington, qui décrit les synapses, il apprend beaucoup de lui, et puis, dans les années 30, alors c'est toujours intéressant de resituer l'histoire des sciences dans la grande histoire, Eccles n'a non seulement pas les financements qu'il trouve nécessaires pour mener ses recherches à bien, mais aussi il trouve que les alliés ne font pas assez contre la montée du régime nazi, et il décide de retourner d'abord en Australie, puis en Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est intéressant parce que là, il y a plein de choses qui vont se passer dans ce retour au pays et dans ce retour, en tout cas, dans sa région d'origine. Notamment une rencontre assez décisive avec un philosophe des sciences d'ascendance juive, Karl Popper, qui lui-même enseigne en Nouvelle-Zélande depuis 1936 ou 37, je ne sais plus exactement, à l'université de Christchurch. Est-ce que vous pouvez nous resituer ce personnage de Karl Popper dans l'histoire de la philosophie des sciences, qui est quand même une figure majeure? Oui. Et pourquoi est-ce que cette rencontre intellectuelle va mettre Eccles sur une voie scientifique qu'il n'attendait pas? Karl Popper, il reste connu. Moi, je me souviens même dans mes cours de philo, c'était quand même le nom dans la philosophie des sciences qu'on nous apprenait, qui avait réfléchi sur ce qui permet de dire qu'une théorie est scientifique ou pas. Et c'est pas du tout trivial, c'est-à-dire au terminal, quand j'ai fait de la philo, je m'attendais à ce qu'on me dise une théorie scientifique quand elle est précise, quand elle est novatrice, quand elle permet de faire des mesures. Et ce que je trouve extraordinaire dans la pensée de Popper, c'est l'idée un peu contre-intuitive, parce qu'on a l'idée que la science est quelque chose de solide, quelque chose de pérenne, quelque chose de prouvé. Non, Popper nous dit une théorie est scientifique si on peut la réfuter. C'est-à-dire si elle est formulée de telle façon qu'on peut mener des expériences clés qui peuvent éventuellement montrer que cette théorie, en fait, est fausse et qu'il va falloir en construire une nouvelle pour dépasser, en fait, cette réfutation. Le concept de réfutation, c'est l'idée qu'on va devoir sans arrêt se prêter à la critique. Et Popper, à ce moment-là, déjà en 1943, a imposé, en fait, ce critère de scientificité. John Eccles est très intéressé par cette idée-là parce que il a envie d'imposer sa théorie électrique. Il voit bien qu'il y a une concurrence avec la théorie chimique de la synapse et il dit, il va falloir à un moment réfuter l'une des deux. Et il est tellement persuadé d'avoir raison qu'il dit, ça va me donner raison si je monte une expérience de réfutabilité. Et c'est ça qui est amusant, c'est que naïvement, quasiment, il se dit, et en même temps plein de convictions, il dit, je vais réfuter ma propre théorie parce qu'elle est irréfutable, donc je vais mettre en place une expérience qui va juste montrer qu'elle n'est pas possible. Enfin, voilà, c'est la bonne théorie par rapport à la théorie chimique. À quoi correspond cette expérience? Parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais ça, c'est un élément déterminant dans l'histoire des neurosciences, c'est l'aspect technique. Pour comprendre le cerveau, on ne peut pas se passer d'instruments et de nouvelles technologies. Qu'est-ce qui se met en place à cette époque-là qui va permettre à John Eccles de tester la réfutabilité ou non de sa théorie? Ça va se faire en deux temps, puisque d'abord, il a recruté auprès de lui un jeune neurophysiologique allemand d'origine juive aussi, qui s'appelle Bernard Katz. Et dans un premier temps, il va s'intéresser à la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire l'endroit où les nerfs moteurs viennent se coller sur les fibres musculaires, dans les muscles, et où l'influx nerveux qui vient du cerveau via le nerf moteur va exciter le muscle pour provoquer une contraction. Et à cet endroit-là, il y a l'hypothèse que peut-être on pourrait monter une expérience pour réfuter la théorie électrique en disant « on va essayer de voir si on y arrive avec des molécules chimiques ». Et donc ça ne marchera pas, donc ce sera la preuve qu'elle a raison. Donc Bernard Katz monte l'expérience avec de l'acétylcholine. Le fameux Steve Koeffler qui a lui joué le rôle d'interface entre Eccles et Popper. Voilà. Oui. Et là, surprise, en fait ça marche. C'est-à-dire que la synapse chimique qui met de l'acétylcholine sur le muscle et qui libère donc de l'acétylcholine du nerf vers le muscle provoque la contraction du muscle. Et aujourd'hui on sait très bien que c'est ce qui nous permet en fait de bouger tous les jours, c'est cette synapse chimique de la jonction neuromusculaire. Donc là, première surprise, Eccles est un petit peu embêté, mais il dit c'est pas grave, c'est la jonction neuromusculaire, c'est pas l'esprit. C'est pas le cerveau. Le sacro-saint cerveau, donc pour lui, il se dit, on a eu chaud, mais quand même, la théorie électrique continue d'être valable pour tout ce qui est neurones du cerveau. Donc l'essentiel est sauf, il dit donc j'ai montré que ma théorie est vraie dans le cerveau, donc j'ai montré une expérience de réfutabilité aussi sur les neurones du système nerveux sans l'intervention des muscles. Alors il va pas directement dans le cerveau, il va dans la moelle épinière et il procède sur des chats anesthésiés pour montrer que l'activation d'un premier neurone normalement on sait comment les circuits de neurones sont faits dans la moelle épinière, va provoquer l'inhibition d'un autre neurone contigu. Et donc, il y a une synapse entre ces deux neurones, synapse inhibitrice. Et que donc, si on active le premier neurone va inhiber le second. Et si c'est une transmission électrique, ça va se traduire par une annulation, en fait, du potentiel électrique du deuxième neurone. Par contre, si c'est la théorie chimique qui prévaut, normalement, il doit y avoir même un passage du potentiel de membrane, en fait, ce qu'on peut appeler la tension électrique de part et d'autre de la membrane du neurone, qui doit passer dans des valeurs négatives. négative parce qu'il y a des mouvements d'ions à travers la membrane du neurone qui devraient expliquer des valeurs négatives. Et donc ça va être ça, le test qui va permettre de trancher. Et donc ils arrivent... Là aussi, il y a une avancée technologique qui va permettre de mener cette expérience, oui. Puisqu'il va falloir mettre au point des méthodes pour mesurer l'activité des neurones de la moelle épinière chez les chats. Et ça, on ne sait pas encore faire. Donc là, il y a tout un réseau de spécialistes qui se met en place. Il y a un chercheur qui s'appelle McIntyre qui fait partie du camp adverse. C'est ça qui est très beau aussi dans cette histoire. C'est que John Eccles a quand même l'honnêteté d'inviter l'un de ses adversaires pour qu'il implémente d'une certaine façon la technologie qu'il utilise dans son labo. Voilà. En disant, apprends-nous à critiquer ta théorie et donne-nous les outils pour critiquer ta théorie. Voilà, donc ça c'est... Ça devrait être un modèle de pratique de la science dans les laboratoires. Mais on sent bien qu'il a envie vraiment de mener une démonstration tellement forte que même les adversaires sont obligés de constater la véracité de ses thèses. Et donc McIntyre, lui, est un très fin manipulateur. Il met au point un système pour créer des micro-électrodes très très fines d'un demi-micromètre de largeur dans lequel il va introduire des solutions d'ions potassium et chlorure pour exciter les neurones et pour mesurer leur différence de potentiel. Et là, l'expérience a lieu. En août 1951. Voilà, Eccles, il attend le résultat et puis il voit la différence de potentiel qui s'affiche et qui est négative. Donc c'est la preuve, en fait, que c'est la théorie chimique qui s'applique à ces synapses dans la moelle épinière du chat. Alors comment est-ce qu'il réagit à ce moment-là, lui qui a défendu et qui a défendu parfois de façon virulente sa théorie pendant des décennies? Qu'est-ce qu'il a comme première réaction quand tout son château, tout son édifice théorique s'effondre sous ses yeux? Alors l'histoire dit qu'il voit le résultat sortir sur l'imprimante, enfin sur l'oscillographe, et qu'il sent qu'il y a l'autre dans son dos, là, l'ennemi, et dit « il faut surtout pas qu'il voit ça ». Donc il pense un court moment à escamoter les résultats pour évacuer en fait la contradiction. Mais alors dans un deuxième temps, il semblerait, il faudrait voir quels sont les témoignages dont on dispose pour ça, mais c'est écrit Jean-Gaël Barbara dans l'article qu'on a fait dans Cerveau et Psycho. Il pense simplement à retourner la feuille et à prendre une photo à l'envers pour que le courant négatif soit présenté en fait pour un échec d'inhibition totale. Un bon trucage de résultats à l'ancienne. Et je pense que très rapidement, il se rend compte qu'il vient d'observer en fait la réalité du fonctionnement des neurones et que cette réalité on ne pourra pas la travestir éternellement et que le jour où on s'apercevra qu'il a truqué les résultats, ce sera bien pire que d'avoir défendu une théorie erronée. Donc c'est là qu'il va franchir une sorte de cap mental, de conversion, ce sera décrit un peu comme une conversion. Il se dit j'ai eu tort, mais j'ai prouvé moi-même que j'avais tort, donc je peux encore tenir les rênes de la situation et annoncer à mes collègues que je change totalement de point de vue après avoir mis en scène ma propre réfutation. Et ça, il le fait en 1951, donc très rapidement après la découverte, devant un parterre de chercheurs au Magdalen College à Oxford en Angleterre. Parterre qu'on imagine quand même plutôt sidéré. Il fait un cycle de 8 conférences pour bien montrer ses résultats. Résultats qui lui valent quand même le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1963 avec Andrew Huxley et Alan Hodgkin, ses collègues britanniques qui avaient travaillé exactement sur ces questions-là. D'un point de vue de l'histoire des sciences, Jean-Gaël Barbara, dans l'article ici dans Cerveau et Psycho consacré à cette histoire de John Eccles, il compare ce moment de l'histoire des neurosciences à la course à l'espace qui est livrée à ce moment-là entre États-Unis et URSS. Pourquoi est-ce que ce moment et cette découverte aussi infime, semble-t-elle, est-elle aussi fondatrice pour tout un pan de la recherche neuroscientifique de la seconde moitié du XXe siècle? Parce que la question de la communication neuronale va fonder en fait toutes les recherches sur le cerveau qui vont suivre. Toute notre représentation de comment fonctionne l'organe de la pensée va s'appuyer sur le fonctionnement des synapses. Des synapses dont on va étudier par exemple, la genèse, la prolifération dans les premières années de l'enfance, avec des chiffres astronomiques qui montrent qu'un enfant crée, je pense, plusieurs dizaines de milliers de synapses par seconde quand son cerveau est en pleine ébullition. Le fait qu'on va découvrir ensuite que c'est par le renforcement des synapses que se permet l'apprentissage, la mémorisation, que certaines maladies neurologiques sont liées à des excès de synapses ou des manques de synapses. En fait, la synapse va devenir un véritable je sais pas, c'est la brique élémentaire, c'est comme l'atome en physique, hein, véritablement. Et c'est vrai que c'est le résultat quand même d'une course à l'espace version cerveau, parce qu'il y a la concurrence des deux théories, qui mène à une émulation, et qui pousse les deux parties à s'entendre sur des tests pour trancher. Et ça, c'est le moment où on fait rentrer aussi dans la science la théorie de Popper, qui n'est pas seulement là pour assister au débat, mais pour proposer même des solutions pour le faire avancer. Donc c'est vraiment un tournant. Hein. C'est ça qui est particulièrement beau dans cette histoire de cette fin d'une controverse, d'une certaine façon, c'est que tout part d'abord d'une petite révolution intérieure et intime de pensée, et une révolution philosophique, qui va être servie par une innovation technique qui sera exactement adaptée à la mise en pratique de cette petite révolution de pensée de John Eccles. Ça, c'est un cas d'école, finalement, dans l'histoire des sciences, ou bien est-ce que là, ils ont eu particulièrement beaucoup de chance ? Alors, je pense, une fois que les deux théories concurrentes étaient en compétition l'une avec l'autre, ça, à mon avis, ça ne pouvait aboutir qu'à ça. Donc, la question, c'est comment ça allait se passer ? Ce qui est intéressant, c'est que ça soit été fait par la même personne, quoi, qu'il se soit retourné contre elle-même, ce qui le hisse un petit peu au rang, peut-être, de modèle de scientificité. C'est intéressant de se rappeler ce personnage, même si sans doute il avait peut-être pas le choix, peut-être que c'était un personnage aussi peut-être très dominateur, un ponte à l'ancienne comme ça, qui aimait avoir raison envers et contre tout. Mais oui, c'est un petit peu un cas d'école. Puis l'invention quand même de la microélectrode pour le patch clamp dans les neurones du système nerveux, c'est quelque chose qu'on utilise toujours aujourd'hui. Les fameux implants qui permettent de faire des interfaces cerveau-machine, par exemple, pour permettre aux personnes paralysées de communiquer avec des systèmes informatiques. L'implant Neuralink d'Elon Musk, c'est des réseaux d'électrodes de ce type-là. Donc on reste toujours dans l'idée qu'il y a l'activité des neurones, ce que Eccles, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, parle du langage fondamental des neurones, qu'on peut déchiffrer, capter en tout cas grâce à cet outil-là, qui a été développé justement dans ce contexte de compétition et de besoin, non pas de décrocher la Lune, mais de décrocher le neurone. C'est vrai que cette validation de la théorie chimique aussi, ça marque un jalon fondateur pour la neuropharmacologie, pour toute la création de drogues qui vont permettre de soigner des maladies liées aux neurones. Ça arrive aussi souvent que ça, que des grands chercheurs se dédisent, se renient, acceptent de faire un mea culpa aussi clair et net. Oui, alors lors du congrès de 1951, effectivement, tous ceux qui assistent à la renonciation ou, je ne sais pas, à la rétraction d'Eccles, le prennent pour un fou. Ils se disent, ça n'a jamais été vu, une chose pareille. Depuis 30 ans dans ce milieu-là, une fois qu'on a enfourché un cheval de bataille, qu'on a pris fait et cause pour une théorie, c'est presque inconcevable de dire, mais pourquoi est-ce que j'irais détruire ma propre théorie ? Donc on le prend un peu pour un fou. Il est comparé à Galilée qui renie sa propre vision de l'espace, du système géocentrique. Sous la contrainte, parce qu'on dit quand même, au moins Galilée, lui, il croyait à ce qu'il faisait, il a été obligé de le faire, alors qu'Eccles, il se tire une balle dans le pied tout seul. C'est seulement après qu'on va voir qu'il a eu raison. Mais oui, c'est tout à fait inédit. Mais je crois que ça montre quand même... Je crois que c'est un signe de l'importance de la découverte scientifique qui est en jeu. Moi, ça me fait penser à Darwin. En fait, Darwin qui, au moment où il voit se dessiner sa théorie de l'évolution, est très embêté, parce qu'en fait, il est issu d'un milieu très croyant. Sa femme est fille de pasteur. Et ça l'embête, en fait, de devoir peut-être arriver à la conclusion que l'homme n'a pas été créé par Dieu, mais est le fruit d'une évolution biologique. Et donc, pendant des années, il va essayer de démonter sa propre théorie. Et en fait, sa théorie est tellement forte qu'il n'y arrive pas. Et si l'auteur lui-même n'y arrive pas, on peut imaginer à quel point il a touché du doigt quelque chose d'indéboulonnable. Donc ça, c'est quand même un critère qu'on est face à une innovation scientifique qui tient le choc. Et la découverte de la synapse chimique est... Alors, c'est peut-être pas la théorie de l'évolution, mais quand même, dans les neurosciences, c'est quelque chose de central. Est-ce qu'on cherche des graals équivalents aujourd'hui dans le domaine des neurosciences, ou est-ce qu'il y a des débats qu'on pourrait comparer à ce débat théorie chimique, théorie électrique en matière de neurones ? Il y a peut-être l'équivalent du côté des théories de la conscience, où on cherche en fait une expérience clé qui serait l'équivalente de l'expérience d'Eccles. parce qu'on dénombre le nombre de théories de la conscience qui existent aujourd'hui, et il y en a une pléthore, je ne saurais pas dire combien il y en a, mais il y en a plus d'une dizaine en fait, bah, même s'il y en a quand même deux ou trois centrales. Et le problème, c'est de tomber d'accord sur une expérience test du même acabit. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Eccles lui-même s'est intéressé à la fin de sa carrière à ces notions qu'il n'a jamais complètement mises de côté, d'esprit, de conscience. Ah bah oui, ah bah oui. Ouais, ça c'est intéressant. Mais lui est resté, même après la découverte de la synapse chimique, convaincu que l'esprit est distinct de la matière, et vraiment très distinct au sens presque de Descartes, du dualisme qui aujourd'hui a été totalement abandonné hein, par la neuroscience. Mais lui, il va s'y accrocher. Donc c'est assez intéressant son histoire, parce que d'une certaine il façon, va toujours refuser un petit peu les conclusions ultimes de ce qu'il a découvert. Et ça, c'est une leçon aussi en matière d'histoire des sciences. Merci beaucoup à vous, Sébastien Boller, d'être venu nous raconter cette histoire de conviction et de déconviction. Je sais pas comment on peut dire. On peut vous retrouver, en tout cas, dans les colonnes du magazine Cerveau et Psycho tous les mois. Farewell Transmission par Songs Oya pour conclure cette émission. Un grand merci à Eve Etienne et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Merci à Flavien Andréziac, Dalia et Noé Chaban, trois pour le prix d'un aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. It's right.